Chérie, c'est comment? Je connais pas ton passé. Je sais que t'en as bavé. T'as juste envie d'évader. Sinon, moi, c'est Didi. Et tu peux googler mon nom. Hey. Je suis garé dans le parking. Hey. On veut rentrer chez moi. Hey. On va se mettre bien toute la night. Toute la night. Toute la night. Toute la night. On va se mettre bien toute la night. Yeah. Toute la night. Yeah, yeah. Toute la night. Yeah, yeah. Toute la night. Yeah. Chérie, c'est comment? Je ne veux pas te déranger. Je vois bien que t'es seul et que tu ne parles pas aux étrangers. Est-ce qu'on peut faire les présentations? Mais moi je m'appelle Véli. C'est juste une conversation. Je suis sûr que t'es pas timide. Hey. Ce soir j'ai un bon plan. Y'a de la 8, y'a du Jack chez moi. Champagne, relax, du genre 2-3 films dans le calme, tu vois. On va se mettre bien toute la night. T'as juste à me dire oui et c'est nice. Tu ne seras pas prêt d'oublier. S'il te plaît, ne te fais pas prier, baby. Chérie, c'est comment? Je connais pas ton passé. Je sais que t'en as bavé. T'as juste envie d'évader. Sinon moi c'est Didi. Sinon moi c'est Belly. Et tu peux googler mon nom. Hey. Je suis garé dans le parking. Hey. On peut rentrer chez moi. Hey. On va se mettre bien toute la night. Toute la night. Toute la night. Toute la night. On va se mettre bien toute la night. Yeah. Toute la night. Yeah, yeah. Toute la night. Yeah, yeah. Toute la night. Presque vide, garçon, ramenez-lui un verre de champagne. Je veux pas être trop lourd, je veux pas forcer. Je veux jouer carte sur table. Moi j'avais n'est pas dangereux. Fais-moi confiance, je vais pas te faire du mal. Je vais te mettre bien toute la night. Toute la night. Toute la night. Toute la night. On va se mettre bien toute la night.